Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 8. Michelle Obama en visite officielle à Beijing, 20 et 1 mars 2014. Au premier jour de sa visite officielle en Chine, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, a accompagné l'épouse du président chinois, Peng Liyuan, dans une école. Elle y a découvert la calligraphie avant de visiter l'ancien palais impérial de la cité interdite de Beijing. Au cours de son séjour qui vise à apaiser les tensions entre Beijing et Washington, la première dame, qui est accompagnée de sa mère et de ses deux filles, visitera également la Grande Muraille de Chine, une réserve pour pandas ainsi que le site archéologique où l'on a retrouvé les célèbres guerriers de Terre Cuite. Madame Obama prononcera samedi un discours au centre de Stanford de la prestigieuse université de Pékin. Elle rencontrera également le personnel et les familles de l'ambassade des États-Unis à Beijing. La Maison-Blanche a fait savoir que Madame Obama mettra l'accent sur l'éducation et s'abstiendra d'aborder des questions plus délicates, tels que les droits humains et le commerce, décès de Philp, leader de l'église de Westboro, violemment homophobe, 20 mars 2014, un pasteur radical américain, connu pour ses diatribes homophobes lors de funérailles de soldats, est décédé jeudi à l'âge de 84 ans, signalent les médias. Fred Philp avait fondé l'église baptiste de Westboro, dans le Kansas, État conservateur du centre des États-Unis. La plupart des fidèles étaient des enfants de Philp, avec qui il organisait des manifestations lors de funérailles de soldats américains, dénonçant violemment l'homosexualité, attaqué en justice pour propagation de la haine et de l'intolérance. L'église de Westboro avait bénéficié d'une décision favorable de la Cour suprême en 2011. Les neuf sages avaient estimé que Philp et ses fidèles exerçaient leur droit à la liberté d'expression en insultant des militaires tués en Irak et en Afghanistan, un arrêt contesté par les familles des soldats. Poutine signe l'annexion de la Crimée, 20 et 1 mars 2014. Le président russe Vladimir Poutine a promulgué vendredi la loi finalisant l'annexion de la Crimée, un événement qu'il a qualifié de remarquable. La cérémonie de signature a eu lieu au Kremlin à l'issue d'un conseil de la Fédération. La chambre haute du Parlement russe a adopté à l'unanimité l'intégration de la péninsule de Crimée au sein de la Russie. La chambre basse avait ratifié le traité jeudi, 4 jours seulement après le référendum qui a décidé du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Jeudi, le président américain Barack Obama a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a riposté en faisant savoir que la Russie va réagir durement à ces sanctions. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné au cours d'une conférence de presse que la crise ukrainienne ne peut être résolue qu'en respectant le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Ukraine traverse une période très dramatique et difficile. Les tensions sont grandes et des vies ont été perdues, a déclaré M. Ban à Kiev. La crise actuelle ne peut être résolue que par des moyens diplomatiques pacifiques basés sur les principes de la Charte des Nations Unies, notamment concernant le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a ajouté le chef de l'ONU. Il faut un véritable dialogue entre Kiev et Moscou, entre-temps à Bruxelles. Au terme du sommet de 2 jours des chefs d'État de l'Union Européenne, UE, le premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk, a signé le premier volet de l'accord d'association avec l'Union. C'est le refus des précédentes autorités ukrainiennes de signer ce document qui a déclenché la révolte. À la fin de novembre et la chute de l'ex-président Viktor Yanukovych, Pillay dénonce l'anarchie en RCA 20 et 1 mars 2014. La République centrafricaine est maintenant un pays où les tueurs les plus vicieux opèrent en toute impunité, affirme la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay. Elle s'exprimait jeudi à Bangui au terme de 2 jours de discussion avec le chef de l'État, le ministre de la Justice et des organisations locales des droits de l'homme, entre autres. Madame Pillay a affirmé que la haine entre communautés demeure à un niveau terrifiant, les personnes, et même des enfants, sont non seulement tués, mais aussi torturés, mutilés, brûlés et démembrés, parfois par des groupes mobilisés de manière spontanée, tout comme par des groupes organisés de combattants armés, a-t-elle fait valoir, appelant les Centrafricains à réfléchir et la communauté internationale à faire beaucoup plus pour aider à rétablir la loi et l'ordre dans le pays. Bien que les tueries à grande échelle qui ont eu lieu en décembre et janvier paraissent être arrêtées pour le moment, principalement en raison de la présence des forces de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, MISCA, et de la force militaire française, connue sous le nom de Sangarise, dans des zones chaudes. Des personnes continuent d'être tuées quotidiennement, notamment par des groupes anti-Balaka, a déclaré Madame Pillay. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dite particulièrement consternée par des actes tels que la décapitation, le dépècement des corps ou la consommation de chair humaine. Les responsables des pires sévices, des gens arrêtés avec du sang sur leur machette ou des morceaux de chair humaine à la main, ne sont pas inquiétés, a déploré Madame Pillay, d'autant que la justice n'existe plus, et qu'il ne reste personne pour les inculper, aucune prison pour les détenir. En réalité, il n'existe pas d'État, il n'y a pas d'armée nationale cohérente, ni de police, ni de système judiciaire, pratiquement pas de lieu de détention des criminels, ni de moyens de les juger, a indiqué Madame Pillay. Je suis profondément préoccupée par la lenteur de la communauté internationale, a poursuivi Madame Pillay. Elle semble avoir oublié quelques-unes des leçons apprises en Bosnie-Herzégovine, au Rwanda, au Kosovo et au Timor-Oriental pour n'en citer que quelques-unes, a mis en garde la haut-commissaire. Génocide rwandais, Twagira écroué, 20 et 1 mars 2014. Un médecin rwandais installé en France, Charles Twagira, a été écroué après avoir été mis en examen jeudi. Il est accusé notamment de génocide et crimes contre l'humanité durant le génocide de 1994 au Rwanda, qui a fait quelque 800 000 morts, selon l'agence France Presse AFP, qui cite une source judiciaire. Il a été placé en détention provisoire, au terme d'une audience devant un juge des libertés et de la détention. Conformément aux réquisitions du parquet de Paris, il était visé depuis décembre 2009 par une information judiciaire consécutive à une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR, a dit le président de cette ONG, Alain Gauthier. Lors d'une interview avec La Voix de l'Amérique, VOA, le CPCR traque les génocidaires rwandais présumés installés en France. Monsieur Gauthier s'est félicité de l'arrestation de Twagira et a dit espérer que le médecin resterait en prison pendant que la procédure engagée contre lui suit son cours. Twagira était à la tête de l'hôpital de Kibwi, dans l'ouest du Rwanda, durant le génocide. Et selon Monsieur Gauthier, des témoignages fiables le lieraient au meurtre de diverses personnes. Âgé aujourd'hui de 54 ans, il a été interpellé mardi à Vire, dans le Calvados, où il travaillait à l'hôpital, fin vol 1.